Ah ouais, bah, je suis là. Ok. Ah, excuse-moi, bon. Je pensais que t'avais lancé le générique, j'étais en mode. Ah, faut pas que je parle. Je lance le générique. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous, un max de bordel, s'il vous plaît. Bouitroll, Antoine est parmi nous. Bonsoir, bonsoir Antoine. Hey, les mains dans les airs, bonsoir à tous, bonsoir Gwendal, bonsoir à vous, chez vous, bonsoir à la planète Terre, bonsoir même peut-être aux autres planètes si un jour on retrouve ça quelque part. Ça serait quand même beau, je pense. Est-ce que ça serait beau, un témoignage un petit peu de ce qu'on est, de ce qu'on vit, et puis de ce qui se passe en 2019, puisque nous sommes le 22 novembre 2019. Ouais, clairement, je pense qu'ils s'en battent les couilles, tu vois. Je pense qu'ils abandonnent. Ils écoutent ça et ils font non, mais laisse tomber. On retourne où on était. En effet. C'est vraiment trop de la merde. En tout cas, les humains actuels de 2019 peuvent nous écouter et ça, c'est un plaisir et une nouveauté. Et même c'est du futur, parce que ça va être trop bien, tu vois. Tu reviens dans le futur et tu regardes et tu fais waouh, c'était ça en 2019. C'était quand même plutôt pas mal de la merde. Une première dédicace à nous du 2025 déjà. On pourra peut-être se réécouter en 2025. Ouais. Puis vu qu'on s'aimera plus, tu vois, on fera ah là là, comment c'était trop nul avec lui. Exact. Bon, j'espère pas. Bon, en tout cas, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. On a décidé d'appeler ça Plaisir Légitime. Vous êtes dans le podcast Plaisir Légitime. Antoine, une explication peut-être de cette appellation, de ce nom. Un nom vraiment très très personnel, puisque alors déjà plaisir, ça fait toujours plaisir d'avoir du plaisir, et c'est un peu ton motto, hein, faut le dire, pour ceux qui te connaissent pas, peut-être bientôt le tatouage, voilà, si un jour vous voyez, je ne sais pas, dans des rues, dans le monde, dans des villes, vous allez dans des bars, vous allez dans des appartements, vous allez n'importe où, et vous voyez le petit signe plaisir qui a été tagué, soit c'est parce qu'on est devenu vachement célèbre, et du coup tout le monde t'imite, soit c'est tout simplement toi qui l'as écrit, hein, faut le dire. Très très beau, j'aimerais bien faire du street art, you know, this way, en taguant des plaisirs partout. J'y ai pensé un jour. Ouais, en écrivant plaisir. Ouais, plaisir. Ça peut être sympa. Et légitime parce que j'utilise beaucoup le terme legit, à tort et à travers, clairement, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais toujours pas ce que veut dire légitime exactement, mais on l'a quand même mis parce que ça sonnait plutôt bien. Et du coup, plaisir légitime, ensuite, je chercherai la définition, hein, j'ai envie de vous dire, vous démerdez. Mais voilà, je pense que c'est un bon nom. Ouais, c'est un bon nom. De gros bon. Alors, je pense que vous avez surtout le droit d'être là et la légitimité de nous écouter. Et c'est en ça que je trouve que ce nom est assez sympa. On va passer un bon moment, je ne sais pas trop combien de temps. On est là pour un premier épisode, un épisode pilote, maybe, I don't know exactly. Peut-être 10 minutes. Peut-être une heure, deux heures, peut-être toute la vie. Après tout, peut-être qu'on va jamais s'arrêter. Vous oh my tout... god. Oh. On va faire ça en live, on part, on s'arrête plus. En live, un jour, peut-être on sera en live. Bon, on n'est pas du tout rendu là. En tous les cas, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Ouais, légitime, j'ai envie de te dire, légitime. Alors, comment va se passer ce petit podcast? Alors, nous sommes deux, évidemment, pour le moment. Le but est peut-être un jour d'avoir des invités, pourquoi pas, on verra ça par la suite. Deux marques, hein. Deux marques, tout à fait, non pas Nike ni Vans, mais bien sûr des personnes humaines. Ne pas commencer sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, ou les casquettes de roue même. Donc, comment va se passer ce podcast? C'est très simple, on a eu des petites envies de chroniques, on va avoir quatre petites chroniques qui vont un petit peu lier le tout. On va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? On fait ça dans l'ordre ou on présente à tout ce qu'on va faire? Est-ce qu'on présenterait pas? On peut faire un index, c'est vrai, voilà. C'est ça, hein, c'est ça, les index, hein, sur les bouquins, tu sais, au début. C'est les index. Non, c'est pas les index. Ça, c'est à la fin. Je sais plus. Oh, putain, les bouquins, c'est dur. Un sommaire, c'est au début, et un index, c'est à la fin. Ouais, bah voilà, bah, on fait un index au début. Allez, on s'en bat les couilles. Allez, hop, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer en premier lieu? Tout d'abord, on va parler de news à nous. Une petite chronique s'appelle les news à nous, c'est-à-dire des choses qui nous intéressent, qui sont relativement récentes, on est plutôt dans l'actualité, qui nous ont un petit peu marqué. Mais pour nous, hein. Mais c'est que pour nous. Voilà, pour nous. Voilà. Parce que clairement, on s'en bat les couilles des autres, on va pas non plus faire style « ouais, on connaît tous les films qui viennent de sortir, le terrorisme c'est mal en ce moment ». Non, vraiment des trucs qui nous intéressent. Peut-être que le terrorisme nous intéresse, je l'ai dit. C'est vrai, peut-être toi. Hein, moi, voilà. La politique, c'est vraiment ton fort. Ils sont pas gentils. Ouais, ouais. Bah, ils sont pas gentils et c'est pas gentil d'être méchant, et ça, faut le rappeler. Exact, exact. News à nous, première chronique. La deuxième chronique va s'appeler Plaisir, pas plaisir. Plaisir, pas plaisir, bah, tout simplement ce qui nous fait plaisir ou pas plaisir, hein, des petits coups de gueule, des petits coups de cœur, voilà. En effet, y a pas... c'est intemporel. On peut parler de choses qui sont arrivées en 2003 comme de choses qui s'annoncent pour le 2022. On ne sait pas, on est là juste pour parler de choses qui nous intéressent et choses qui nous ont plutôt déplu. Tout à fait. Une troisième petite chronique, un petit jeu sympa. On va avoir 16 minutes, non, 12 minutes, pardon, pour passer d'une page Wikipédia aléatoire à une autre en alternant nos paroles. C'est un peu compliqué de l'expliquer. Est-ce que tu as une autre explication, Antoine? Alors le wiki random, ça va être rigolo. On va commencer, voilà, on va commencer vraiment avec première page wiki, puis on va passer de sujet en sujet toutes les minutes. Par exemple, je vais vous faire, bon, je vous réexpliquerai les règles, mais en gros, voilà, on va parler 6 minutes chacun à tour de rôle, et va falloir finir sur un sujet bien précis, déjà choisi au préalable. On vous réexpliquera ça au moment venu, mais bon, c'est totalement débile, mais c'est totalement inédit. Hein, clairement, c'est le seul truc original qu'on a sur ce podcast. Je pense que ça peut être sympa, voilà, ou Ah, pas, je pense que ça peut être cool, ouais. mais du Je bonheur. pense que ça peut être sympa. Et la dernière petite chronique? La dernière petite chronique, c'est une chronique qui va s'appeler Un film, 5 règles. Vu qu'on est un petit peu des foufous et que parfois on fait un petit peu la fête, on s'est dit que vous pouviez également faire la fête avec nous, pourquoi pas, en buvant de l'alcool, bien sûr, pas Avec modération, avec avec modération. modération, toujours. Toujours. C'est qui modération? C'est un ami à toi? Excellent. Incroyable! En fait, on va tout d'abord décrire Incroyable. un film qui nous intéresse, un film que l'on aime, soit l'un, soit l'autre, soit nous deux. Le décrire, parler dessus, notre avis sur ce film, ce qu'on en pense. Et puis, on va vous proposer par rapport à ce film, 5 règles pour en faire de ce film un jeu à boire. Pas une, ni deux, ni trois, sinon cinq. 5 règles, en effet. J'espère que vous avez compris. C'est pas évident de comprendre forcément Bon, de ce toute jeu. façon, c'était un résumé, hein, de ce qu'on allait faire aujourd'hui. Après, on verra bien sur le Eh tas. bah, On je vous refera ça. propose de commencer tout de suite les news annonces. Ok, bah je lance le jingle news annonces. Mardi. Et bonjour à tous. Non, j'ai déjà dit bonjour à tous, mais on est sur le news à nous. Le news à nous, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, ce sont des informations, des actualités plus ou moins récentes qui nous ont intéressés dernièrement, qui nous intriguent peut-être. Je te propose, Antoine, de commencer parce que tu avais l'air d'en avoir certaines sous la main. Bah, je voulais vous parler déjà pour commencer de la finale des Worlds 2019 de League of Legends. Alors, pour ceux qui savent pas ce que League of Legends, c'est un jeu multiplayer de 5 contre 5 avec des pecnos qui se tapent sur la gueule contre d'autres pecnos pour détruire une base, et ceux qui ont détruit la base de l'autre bah, ont gagné. Voilà, du coup, Jeu vidéo, hein. oui, jeux vidéo, C'est un jeu bien vidéo. sûr. Hein. Oui, bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous vivez en 2019, que vous savez pas ce qu'est League of Legends, allez vous faire foutre. Il y en a plein, Eh plein, bien, il y en plein a qui plein. ne Eh bien, je connaissent vous pas. explique. Voilà, je vous explique, ça me fait plaisir. Et du coup, je suis allé voir la finale des Worlds à Paris, Paris-Bercy, hein, maintenant Accor Hôtel Arena. Oui. Et bah, on était là avec 20 000 autres pélos en train de gueuler sur 10 pélos qui étaient en train de se bastonner. Et c'était plutôt très, très fun, hein, vraiment gros kiff. Des places qui sont parties à la vitesse de l'éclair. C'était en top tendance Twitter. Tout le monde rageait comme des chiens parce qu'ils n'avaient pas eu leur place. J'ai réussi à avoir mes places de À moi-même. titre de comparaison, la vente des places pour aller voir Céline Dhiaurvilliers-Charrues, tu vois ça au-dessus, en dessous? Alors, Vieille Charrue, bon, je me suis pas vraiment renseigné, j'ai pas été voir la C'est petite parti en Céline. neuf, c'est parti en 9 minutes, c'est parti en 9 minutes. Bien, bah moi je sais apparemment entre 2 et 6 minutes, il y avait plus de place. D'accord. De ce qu'on a vu, moi j'ai eu les miennes à exactement 16h04, sachant qu'elle commençait à 16h vraiment. J'ai vraiment eu mes places légitimement, hein, je ne suis pas du tout dans une entreprise qui m'aurait donné des places, malheureusement, pas encore assez connue peut-être hein, pour les prochains. Mais voilà, du coup c'était super sympa. Grosse ambiance, les Français, bon, c'était marrant quoi, on a bien fait gueuler le stade. Par contre, résultat des courses. On s'est pris un petit 3-0 quand même. Hein. Il y avait deux équipes qui jouaient l'une contre l'autre. Il y avait G2 Esports, qui sont l'équipe européenne. Et il y avait l'équipe chinoise FunPlus Phoenix, qui ont à peu près le meilleur blast du monde, je pense. Faut le dire. Voilà, bon 3-0 pour les Chinois. Ça a vite fait calmer la foule. Mais n'empêche qu'il y avait quand même de l'ambiance. J'ai touché des gens connus. Ça, c'est important aussi de le dire. Des joueurs, des coachs. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu, il y a Ovili. L'américaine qui est venue me check, moi, dans la foule, voilà, je tiens à le dire, j'ai touché sa main, j'ai failli pas me doucher. J'ai aussi failli rompre avec ma copine. Énorme, C'est un gros scoop. Non, vraiment, ouais, bah, très gros scoop, hein, là, on en parle, il faut en parler, je pense. Mais non, non, très très sympa, bonne ambiance, il y avait un bon petit kiff. Bon, ensuite, ça a coûté quand même cher, hein, ça a duré longtemps, c'était un beau voyage. Coûtait cher, c'est-à-dire combien à peu près au total, un petit Alors, week-end, moi, j'ai eu si ma t'allais place, là-bas? alors faut le dire, moi, j'ai eu ma place à 87 boules. Après, j'étais vraiment platine, tu vois, j'étais devant, en fait. J'étais tout en bas du stade, en face des joueurs. Littéralement, les joueurs sortaient des loges, ils me regardaient moi quand ils sortaient. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça les a trop intimidés et qu'ils ont perdu, c'est fort probable. Mais voilà, j'étais vraiment tout en bas. Après, par contre, la place de revente, méga vénère. Il y a eu énormément de reventes, hein, parce que les bots chinois, c'est ce qu'on dit en tout cas, ont revendu ça sur des places qui pouvaient aller facilement à 300, 400 euros, quoi. J'ai même vu des places qui se vendaient à plus de 1500. La plus grosse que j'ai vue, ça a été 3000. Pas sûr qu'elle ait été vendue, celle-là, mais voilà, c'est grosse, grosse revente. Du coup, finalement, 87 euros, c'est pas si mal. Que tu aurais pu te faire un petit pactole, tu as décidé d'y aller pour la beauté du sport quand même. Ah, mais clairement, moi, c'est pour l'expérience, hein. On n'est pas là non plus pour se faire de Bon, la thune. quand même. Après tout, je gagne déjà assez bien ma vie comme ça. Non, c'est vrai que j'aurais pu revendre la place d'un ou deux potes et je me serais fait un bon petit resto après et Vous autres. étiez quatre là-bas, c'est ça? Ouais, on est parti à quatre. J'ai pris quatre places. Ensuite, j'ai revendu au poteau. Mais j'avoue que j'aurais pu revendre au marché noir. Ensuite, les vrais fans me remercieront de ne pas l'avoir fait parce que c'est vraiment un truc de pute. Mais je commence à me dire, est-ce que je vais pas le faire pour d'autres événements dont je m'en bats les couilles, hein, vu la place des reventes et le prix. Ouais, c'était clair. Ça peut être Pourquoi sympa. pas? Ça peut être un bise de moula. Ouais, après tout, pourquoi travailler et pourquoi pas juste revendre des places? Un avis sur 5 sur cette news, cet événement. Bah, 4 sur 5, je pense que tout était là sauf la victoire. C'est ça qui a un peu été triste parce qu'on était tellement chaud, il n'y a même pas une seule victoire européenne. C'est quand même un peu décevant. Après, voilà, on ne peut pas non plus trop en vouloir, mais puis c'était en Europe, avec des Européens, c'était peut-être le moment, quoi. Mais voilà, enfin, gros événement, très très sympa. Bonne expérience. Ouais. Eh ben écoute, pour continuer dans les news, moi j'en ai une aussi, pour continuer dans les news et pour continuer dans le jeu vidéo. Alors moi je vais vous parler de Stadia. Stadia, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Antoine. Alors très vite fait, mais qu'est-ce que Stadia exactement? Parce que j'ai en gros, grosso merdo, c'est quoi? C'est le truc. C'est Google, c'est ça? Ouais, alors c'est Google qui lance une espèce de console qui n'est pas vraiment une console. En fait, tu achètes une manette. Et avec cette manette, tu vas pouvoir jouer à des jeux que eux mettent en ligne sur un serveur. D'accord? Ok. Là, voilà, tu peux jouer avec cette. Ouais, bah lui, c'est du cloud, quoi. Voilà, tout à fait, c'est du cloud. Tu peux jouer en ligne avec cette manette sur tout type de support, que ce soit PC, tablette, mobile aussi, donc disponible à peu près partout. Et c'est une offre, alors qui pour le moment s'élève à. Il n'y a que l'offre pro. Et je comprends pas très très bien parce qu'il parle également d'une offre base qui sera disponible l'année prochaine. Pour le moment, on est sur du Stadia Pro qui coûte 10 euros par mois et Ok. dans laquelle on inclut des jeux à tout moment, bien sûr, et des jeux supplémentaires qui vont être disponibles uniquement pour ceux qui ont l'édition Pro. Alors, je sais qu'il y a pas mal de jeux disponibles dessus. Il y a des jeux comme Tomb Raider, Destiny 2, Red Dead Redemption 2, NBA 2K20, Final Fantasy 15, etc. Et tout ça accessible pour 10 euros par mois. Je trouve que c'est assez intéressant, franchement. Mais, enfin, surtout. Alors, en gros, ouais, vas-y, mais en gros, du coup, tu payes 10 euros, t'as tous les jeux qui sont dispo. Tu dois payer ta manette à 120, 130 euros aussi, hein. Ouais, ok, manette, qu'on va dire, c'est une petite console, quoi, c'est C'est ça. presque le prix de la Switch, la nouvelle Switch, la Lite. Ok, mais ensuite, t'as plus besoin de. Si, t'as besoin d'un abonnement pour jouer à des nouveaux jeux, mais ensuite, les jeux, tu les choisis pas, quoi, au final. Enfin, c'est un peu au petit bonheur la chance. Ouais, enfin, il y a quand même déjà des bons jeux disponibles dessus. C'est un peu des blockbusters du jeu vidéo, mais enfin, c'est clair que si tu veux du jeu indé, je pense que tu vas pas sur Stadia, hein, clairement. Ouais. Mais moi, je trouve ça assez sympa, assez attrayant, surtout ce truc de l'année prochaine qu'ils annoncent comme gratuit. Alors d'abord, d'accord, il faut se payer sa manette, mais ensuite, je vois pas qu'est-ce qui pourrait ne pas être bien. Je comprends pas très très bien l'offre parce que du coup, ils récompensent ceux qui payent 129 euros pour ensuite avoir tous les jeux disponibles gratuitement. J'avoue que c'est pas très au clair. Pourquoi pas, sauf que ensuite le côté cloud, etc., c'est bien gentil, mais enfin, si tu vas sur un PC de merde, t'as juste l'air d'un gros con, tu vois. Si t'as pas ton énorme machine de guerre pour faire tourner Red Dead Redemption 2, bah t'as l'air d'un gros con, quoi, avec ta manette à 130 balles. Oui, c'est vrai, absolument. Et en plus, Enfin, c'est pas très très clair encore, la communication est assez confuse, c'est les global critiques qui lui sont faites. C'est pas une communication qui est claire, on sait pas totalement ce que va nous apporter Stadia, on sait pas totalement combien ça coûte. Bon, je suis assez confus là-dessus, mais c'est une petite news qui est à partager avec notre public de gamers, hein, jeuxvideo.com nous suit attentivement. Ouais, bien sûr, bien Donc sûr. Bah, voilà, on n'hésitez espère pas. bien, hein, le 15-18 et le 18-25, on vous attend. Non, pas du tout, j'ai jamais été là-dessus. C'est incroyable. Tellement j'en ai rien à foutre de jeuxvideo.com. Enfin, si, sur le site, à la limite, mais enfin, les forums, c'est du délire. Mais non, vraiment, à part ça, je sais pas. Ça a l'air de bider un peu. Justement, on n'entend pas vraiment parler, tu vois. Enfin, moi, je m'intéresse un peu aux jeux vidéo, vite fait. J'en ai pas spécialement plus entendu parler que ça. J'en ai plus ou moins rien à foutre. Et des premiers retours, ça a l'air de bider. Enfin, je sais pas. Absolument, non, non. Ça a l'air de bider, en effet. On va voir ce que ça donne. Franchement, je lui laisse la chance. Peut-être que ça va s'augmenter, peut-être que les jeux vont se rajouter, peut-être que donc l'offre des clouds va être plus grande, plus importante, plus conséquente par l'avenir, mais je n'en sais pas vraiment grand-chose. Voilà, je demande à voir, je dirais, une note sur 5 de cette news et de Stadia. Pour le moment, ce sera un 2,5. On est vraiment dans la moyenne, 2,5 sur 5. Tu vois, il n'y a pas Ah, de. c'est juste parce que la news a bien été racontée, quoi, mais sinon. Ouais, mais voilà, sinon il n'y a pas plus d'infos que ça. Franchement, je sais pas trop comment ça va se passer, donc je demande à voir. Ok. Bon, bah, moi, je vais du coup renchérir sur une nouvelle petite news qui vient de tomber il y a récemment, là, il y a peut-être 2 jours, un truc du genre. Vu qu'ils se sont dit, bah, le pognon, c'est cool, hein, les Américains, ils adorent le pognon. Et du coup, qu'ils ont sorti le magnifique Joker. Alors, ensuite, on pourra parler de si vraiment magnifique ou pas. Mais là n'est pas la question. Ils vont sortir un Joker 2. Voilà. Ils Ok. vont sortir un Joker 2. Ça a été annoncé. Voilà, le Joker qui vient de passer la barre du milliard au box-office. Première fois qu'un film R-rated passe la barre du milliard. R-rated, en gros, grosso merdo, c'est interdit aux moins de 17 ans aux States. Ou je sais pas si t'as le droit d'y aller, mais avec tes parents, ou je sais pas quoi. Bon, bref, ils sont un peu chelous là-bas. Mais en tout cas, c'est ça. Bah, des films qui marchent moins bien dans l'idée, parce que moins de personnes peuvent aller les voir. Mais il a quand même passé la barre du milliard. Gros, gros, gros succès, le Joker. Et du coup, bah, ils se sont dit, bah, hey, attends, hey, Joachim, ça te dirait pas de revenir pour un deuxième film? Parce que, bah, franchement, le pognon, c'est quand même vachement cool. Du coup, voilà, Joker 2 qui a été annoncé. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, t'as vu déjà le premier, en fait, ou pas? Alors oui, justement, le pognon, certes, mais quand même le talent. Enfin, le film, pour moi, est un chef-d'œuvre et fera partie des films qu'on Oh retiendra là là à là l'avenir, là. quoi. À toi, vu que t'es un gros rageux, je suppose que c'est l'inverse, n'est-ce pas? Non, non, non, alors j'ai bien aimé le film. Le film est tout à fait sympathique, même très bon, hein, sûrement dans le futur top 10, hein, voilà, petit spoiler, de mon magnifique top 10 de films. Mais de là à dire chef-d'œuvre, non, faut pas déconner. Il y a un moment, il a quand même des défauts, le film, mais c'est pas non plus, voilà, le chef-d'œuvre. C'est Il n'y a juste un pas très bon le film. chef-d'œuvre. Non, je dis pas que c'est. Non! Pardon, mais je dis pas que c'est le chef-d'œuvre. Je dis que ça fera partie des films totalement cultes de notre génération. Enfin, c'est un film taré, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas quoi te dire, je sais pas. Bah ça, on pourra que le voir avec le temps, tu vois. Mais ouais, mais ensuite, enfin voilà quoi, ça a été surtout super adulé par les fanboys de films de super-héros, qui, vu qu'ils ne voient que de la merde sympathique à regarder, hein, faut pas se mentir non plus. Avengers, c'était quand même vachement drôle. Enfin, c'est pas non plus des énormes films. Oui, voilà, ils ont vu un film un peu innovant, un peu différent. Le mec, il a des Grave. problèmes. On peut pas comparer Avengers et Joker quand même. Bah non, mais par contre tu peux comparer son audience. L'audience qui va aller voir le Joker de base, c'est une audience de fans de films de super-héros, dans l'idée. Mais du coup, non, parce que là, elle s'étend, elle est à 1 milliard d'entrées, c'est un truc Bah de on s'en bat malade. les couilles, comment ça s'appelle? Avengers, ça fait 2 milliards d'entrées. À 7 ans, il y a énormément de personnes qui vont voir des films. On est d'accord, c'est pas les puristes, mais il y a plus que les puristes. Mais de base, c'est ça, tu vois. Et de base, le Joker, là, il a pas fait un énorme départ. Dans l'idée, il a fait surtout une très bonne continuité parce que tout le monde en a bien parlé en bien, tu vois, de ce film. Et ceux qui en ont parlé en bien, entre autres, ceux qui ont été vachement vénères sur les réseaux sociaux, c'est les fans de super-héros et les fans de films. Du coup, oui, il est très bien. Ensuite, je pense qu'il est surtout vachement adulé et vachement surcoté parce que Joker, parce que c'est censé être dans un univers super-héros, parce que c'est censé, Oui, oui, voilà. oui, oui. Après, le film est super bien, vraiment. Si tu prends que ça soit Joker ou pas Joker, ça reste un très bon film. J'ai passé un très bon moment. Mais de là à dire chef-d'œuvre, enfin, ouais, Ok, bah écoute, moi je trouve vraiment magnifique, vraiment proche de la perfection. Donc, et du coup, t'es content qu'il y ait un 2? bah absolument, c'est ce que j'allais dire. Le 2, pour moi, est une bonne news. On est Voilà, je vais pas refuser, je vais clairement aller voir ce 2. Il est fort probable que je me trouve dans les salles de cinéma en 2000 quoi, 2023, 2022, je sais pas, un truc comme ça. Ah ouais, je crois qu'il n'y a pas eu encore d'annonce de date, mais ouais, grosso merdo, ça devrait être un truc du genre, je pense. Après, moi, j'y serai aussi sûrement. De là que ce soit une bonne news, oui, peut-être. Ah, ça me déplaît pas de revoir ce Joker. Après, faut voir ce qu'ils veulent raconter. Tu vois, on le rappelle, un cinéphile, hein, bien sûr. Alors, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Faut arrêter avec ça. J'étais pas spécialement hypé par le premier. IP pour les gens qui ne parlent pas le langage d'Internet, ça veut dire super, super attiré. Ah, merci, Jean-Baptiste le traducteur. Coucou maman, si tu nous entends. Voilà. Mais non, non, non, j'étais pas spécialement hypé. Après, bah, bonne surprise. Parce que je sais pas, je me disais, je sais pas, ouais, un film sur le Joker, ça fait à peu près le quatrième en 20 ans là. Non, peut-être pas, ouais, plutôt troisième en 10 ans. Parce que je me rappelle plus quand est-ce qu'il était. Non, ça fait 95. 95 le Joker avant? De Jack Le Nicholson? Batman, ouais. Ok. Bah finalement, ouais, bon, allez, 25 piges. Mais finalement, bonne surprise, hein, du coup, pourquoi pas, si à la fois un aussi bon film, moi je suis ok. Après, faut voir ce qu'ils ont à raconter, si c'est pas juste pognon pour pognon. Même si Ouais, ça reste pognon on pour verra. pognon, au moins s'il raconte quelque chose de bien, why On not? verra. Une note sur 5 sur cette news, selon Oh, toi? un petit 3 sur 5. 3 sur 5, on Ok. garde de l'espoir. Ah, j'aurais visé le 4, mais d'accord. Et je sais Est-ce pas que si t'as. tu as Oui, j'ai autre une chose à. autre news, Ouais, tout mon à cher fait, Antoine? ouais, très rapidement. Je voulais parler de Mandalorian. Vite fait, pas pour spécialement dire mon avis ou pas spécialement dire des théories ou quoi que ce soit. Spoil, hein, Nouvel no épisode. spoil. No spoil, tu l'as pas vu? Pas du tout. Ok, bah je vais faire no spoil. Alors, je vais juste parler du fait que Mandalorian n'est pas sorti en France officiellement. Pourquoi? Puisque Disney+ vient de sortir il y a 10 jours de cela, le 12 novembre, aux États-Unis, avec Mandalorian pour le coup en premier épisode. Disney Plus qui est une plateforme type Netflix, mais pour tous les Disney. Tout à fait, vraiment, voilà, c'est le Netflix mais à la Disney. Tu regardes tous les films Avengers, tous les films de Disney et des nouvelles séries. Et leur première série, c'était Mandalorian. Et bah, ces gros cons, ils ont un peu merdé puisqu'ils ont sorti Disney+ que dans certains pays. C'est-à-dire à peu près ouais, 4 ou 5 à tout péter. Mais en tout cas, pas en France, ce qui est quand même le pays le plus important, faut pas non plus déconner. Et vu que ça n'existe pas en France, bah, les gens sont obligés de le pirater. Et des gens comme toi qui ne le piratent pas, tu n'as pas encore piraté, je suppose. Ah, encore? On ne fait pas ça, Bien nous, de sûr. toute façon. Non, mais en fait, j'ai dû aller aux Pays-Bas pour regarder l'épisode. Hein. Moi, je Bien l'ai pas sûr. piraté, bien sûr, on est d'accord. Tu Le as pays des téléchargé Pays-Bas. Disney+, tu payes ton abonnement, n'est-ce pas? Oui, aux Pays-Bas. Bah, j'ai un pote, en fait, qui m'a passé sa télé. Bref, c'est une histoire incroyable. Parce qu'apparemment, aux Pays-Bas, ils ont Disney+. Mais ouais, on est obligé de putain de pirater le truc. Les gens vont pas prendre Disney+ après, en tout cas, les fans de Star Wars spécialement. Et le problème, c'est que ça spoil vénère. En fait, sur Twitter, moi, je sais pas trop toi, mais ça spoil vénère. Je vois des trucs sur Mandalorian bah, tous les 4 matins, surtout pour un sujet bien précis que ceux qui ont vu Mandalorian, les premiers épisodes, vont comprendre, mais ça spoil Même vénère. que tu regardes sur Twitter, c'est le bébé de Yoda, là, moitié, non? Ah, bon, bah voilà, mais putain, mec, t'as spoilé de fou, là! J'ai pas spoilé, on regarde, jette un oeil sur Twitter et tu l'as vu, c'est ou même sur Facebook, Bah, donc mais il y a des gens qui tu l'ont pas encore vu, là, merde, bon, enfin, il faudra couper ça au montage, hein. écoute, bébé de Yoda, même moi aussi je suis spoilé, je comprends pas du tout ce truc, donc j'avoue que ça m'intrigue un peu. Bah ouais, voilà, c'est du coup, voilà, les gens tombent là-dessus, alors que c'est un truc très très stylé quand ça arrive dans la série. Enfin, moi, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Du coup, voilà, c'est super triste. Je comprends pas exactement, je sais pas si c'est pour des droits à la con, de pourquoi ils arrivent pas, pourquoi ils sont pas sortis directement. Ils sortent en mars, apparemment, je crois, en France. Et du coup, la série Mandalorian, tu vois, elle sera déjà finie quand ça sortira finalement en France. Très très con de leur part, je trouve. Je pense vraiment que ça doit être des trucs à cause des droits. Peut-être qu'ils ont revendu trop de leurs films sur d'autres plateformes, style Netflix, et qu'ils n'ont plus le droit d'arriver. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas comment ils se sont démerdés, mais en tout cas, c'est pas là. Et c'est très triste, parce que bah, moi, personnellement, par exemple, je pense que je ne vais pas prendre Disney+. Non, moi non plus. Non, mais ensuite, ça aurait pu être sympa, tu vois. Ils ont sûrement des trucs intéressants et tout. Ils sont pas très très chers dans l'idée, je crois qu'ils sont à 7 balles. Ça aurait pu être ok, tu vois, mais enfin là, non, enfin, ça sert à rien. Je vais juste pirater comme un vieux schlag, et tant pis, quoi. Alors, je commence de moins en moins à pirater. Ça me rend triste de moi de un de me faire spoiler, de deux de pas pouvoir avoir ça en France, mais j'avoue que je vais pas non plus avoir Disney+. Après, Mandalorian m'intrigue. Écoute, le problème était. Mandalorian ensuite est très cool. Ok, et eh ben écoute, j'irai voir ça. J'espère que nos auditeurs se rueront vers le piratage total de cette série, du coup, parce qu'on sent donc un peu Allez Disney est assez friqué comme aux ça. Pays-Bas. Ouais, non, mais allez aux Pays-Bas, allez aux Et Pays-Bas. voilà, super. Allez, aux Pays-Bas, c'est une très bonne idée, juste pour aller voir Mandalorian. Cela dit, Amsterdam a l'air sympa. Hein, il y a pas que... Ouais, franchement, c'est un beau petit voyage. Vous faites ça, vous regardez ça le matin, puis ensuite vous allez visiter Amsterdam, puis vous allez au pute le soir, vous faites un truc sympa. Super, voilà. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'y aller, mais on peut toujours aller voir Mandalorian. Écoutez, je vous propose de noter cette petite information sur le Twitter au hashtag plaisir légitime. N'hésitez pas, le cher Max de Com. Non, mais Antoine. Ce serait trop drôle qu'il y en ait un ou deux, tu sais. Antoine, est-ce que tu as une note sur, sur cette information? Moi, je ne l'ai trouvé pas ouf, je te mettrai un 2. Un 2 sur 5. Ok, bah on part sur un 2. De toute façon, l'information en elle-même était plutôt triste. Du coup, on part sur C'est un 2 ça. parce que, bah, fuck. Fuck, quoi, finalement. Allez, bah ouais, fuck. On continue ce petit podcast, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle chronique qui s'appelle Plaisir, pas plaisir, jingle. C'est Jingle Boogie. Wouh! Oh yeah! Ah, c'est beau! C'est beau, c'est très agréable. Et plaisir, pas plaisir, Antoine. Un nom de chronique extraordinaire pour une chronique extraordinaire. Description rapide de ce que ça va se passer, Antoine. Bah, c'est les coups de gueule, les coups de cœur et les coups de gueule, voilà. De nous deux, on va en dire un, voilà. Si on a eu quelque chose qui nous a fait plaisir dernièrement ou qui nous a pas fait plaisir, justement. Plutôt Tout classique. classique. Je Je vais pense que commencer. tu commences? Ok, je te laisse commencer. Alors, je vais vous parler d'un petit plaisir, mon petit plaisir personnel. C'est un podcast qui s'appelle Request in Peace. RIP, bien sûr, mais Request in Peace par rapport à la requête musicale, c'est un podcast organisé par deux personnes, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui sont très gentils et qui proposent une petite battle de playlist, c'est-à-dire qu'ils invitent quelqu'un et ce quelqu'un va se trouver en combat singulier de playlist avec un des deux permanents, on peut dire, de l'émission. Et l'autre permanent, qui est permanente, qui est une femme très très sympa, va arbitrer le tout, donner les thèmes des podcasts, des playlists, pardon. Et donc les deux personnes vont s'affronter. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais vous donner le thème de la meilleure musique à écouter lors d'un voyage en train. Tu vas, toi qui es l'invité, me donner une musique sympa que tu aimes. Prenons par exemple Boogie Wonderland, pourquoi pas de Earth, Wind & Fire. Par exemple. Et moi, je vais te donner, je sais pas, Still Beating de Mac DeMarco, maybe. Et donc, la personne qui sera la juge devra juger. En fait, on donne nos explications de pourquoi on a choisi cette musique, et le juge choisit quelle est la musique selon elle la plus adaptée à son thème. Et en fait, c'est très sympa. Ce podcast, ça nous permet de d'abord découvrir des sons, de deux, les gens sont très sympas, un peu drôles. Le podcast, comme d'habitude, très bien écouté dans tout type de transport en commun ou d'activité particulière comme la cuisine. J'espère que d'ailleurs vous nous écoutez en train de laver votre sol de salle de bain, par exemple. Pourquoi pas? Voilà, moi personnellement, le ménage, c'est vraiment le moment podcast. Exactement. Moi, c'est plutôt dans les transports en commun, je l'avoue. Bon, voilà. Donc, je vous propose ce petit podcast qui s'appelle Request in Peace. C'est mon plaisir du jour, en fait. Ouais, je pensais, bah, justement, je m'étais fait un petit trip là-dessus. Enfin, pas, je connais pas du tout hein, pour le coup le podcast, mais je m'étais fait un petit trip. Tu te rappelles, je t'avais parlé de Contact de Daft Punk. Mettez Contact des Daft Punk pendant un décollage d'avion, c'est un petit plaisir, vraiment. Vous calculez bien à peu près combien de temps met l'avion à décoller. Hein. Grosso merdo, ça dure la chanson de Daft Punk. C'est vraiment très très cool et ça va crème dedans. Vraiment. Ça va très bien. C'est vrai que c'est très agréable. Moi, j'ai une autre chanson que j'ai écoutée pendant un décollage en avion, c'est Don't Stop Me Now de Queen. Ouais, bien Et sûr. j'ai réussi. Alors, je ne sais comment, hein, mais vraiment ça, parce que tout dépend du timing du pilote. Mais le Don't Stop Me Now est vraiment parti. Le refrain s'est lancé au moment où l'avion décollait. C'était incroyable. Ah, trop Et bien, c'était quoi. lors de mon départ en Erasmus. Alors autant dire que ça annonçait une très bonne année. Bah moi, à partir du moment où ça a commencé à turbiner et ensuite à décoller, c'était vraiment le... Tu sais, dans Contact, le truc qui va vraiment vénère en mode... Et tout, qui partait, c'était... Pff. très stylé aussi. On part dans l'espace. Ouais, voilà, bah ouais, bah j'avais un peu l'impression finalement de partir dans l'espace. Et voilà. Plutôt sympa, du coup, ouais, ça me fait penser à ça. Quel est ton plaisir du moment, Antoine ? Alors, mon petit plaisir. Alors, je vais partir sur un plaisir, hein, pas sur un pas plaisir, parce que les pas plaisirs, je me suis dit, ah, oh, pour commencer, vas-y, on va pas faire du pas pas plaisir. Alors, on va plutôt faire du plaisir. du coup, mon petit plaisir, petit plaisir, c'est l'automne. Voilà, je vais expliquer pourquoi exactement. Je suis pas très, très fan de l'automne spécialement, parce que je suis pas vraiment fan d'aucune saison. Je m'en parle un peu les couilles au pire. Mais c'est vrai que l'automne, bah, il y a de la pluie. Et il y a surtout les soirées chaudes, tu restes à la maison, tu mets ton pull, tu mets le chauffage, bon, tu payes un max ensuite au printemps, mais ça, c'est pas grave. Tu fais un petit moment plaisir, et il y a des petits plaisirs qui vont avec l'automne, qui vont avec cet automne, déjà toutes les sorties de ce qu'on a, en fait. On a énormément de sorties sympas, on a des sorties ciné de fou, il y a Zombieland, qui vient de sortir, que je n'ai pas vu, hein. Alors par contre, c'est que des trucs que j'ai pas vu, hein. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas allé au ciné, j'ai pas le temps, je travaille trop, oh, désolé. Mais il y a Zombieland. Ah, désolé, je suis désolé, mais il y a Zombieland qui vient de sortir, il y a Doctor Sleep qui vient de sortir, bon, des suites, on est d'accord, il y a Star Wars 9 qui va bientôt sortir, qui sortira en automne, hein, pas encore en hiver, niquez vos mères. Zombieland et Doctor Sleep, je n'ai pas pu aller les voir alors que c'est deux films que je voulais aller voir. Ah ouais, mais pareil, mais enfin, ça va être horrible, ça va rattraper. Mais voilà, des sorties ciné, il y a des sorties séries aussi. Ah putain, mais niveau série, mais qu'est-ce qu'on est bien en ce moment. On a Mandalorian dont je vous ai parlé, on a Is Dark Materials, voilà, vraiment la série que j'attendais cet hiver. Série qui reprend en fait les bouquins La Croisée des Mondes. Voilà, on en reparlera peut-être un petit peu plus en détail. Très, très cool. Il y a la série Watchmen, bien sûr. J'ai vu que le premier épisode pour le coup, je n'ai pas vu les autres. Il faut que je me rattrape. Il y a la série The Witcher qui va sortir aussi le 20 décembre. 20 décembre, c'est le dernier jour d'automne ou le premier jour d'hiver ? Je n'en sais absolument rien. On va dire que c'est le dernier jour d'automne, du coup ça va très très bien dans ma chronique. Et il y a Shameless aussi qui va reprendre bientôt. Ça m'attire très peu personnellement, Antoine. The Witcher ? Tout ça m'attire pas du tout. Ah ouais. Niveau série. Les sorties ciné à fond, mais les sorties séries. Ah putain, pourtant les sorties séries, franchement, ça envoie du pâté. Hein. Vraiment en ce moment. Et encore là, j'en passe des vertes et des pas mûres, mais il y a aussi l'Apple TV qui vient de sortir. Apparemment, il y a des très bonnes séries dessus. Je n'ai pas du tout vu, mais vraiment bon petit truc. Mais si en tout cas t'es pas attiré par mes sorties séries et que tu veux quand même rester chez toi et pas aller au ciné, tu peux avoir les sorties jeux vidéo. Voilà, c'était mon dernier point. Il y a énormément de sorties jeux vidéo, bien sûr, nous sommes des pigeons. Il y a le nouveau Pokémon qui vient de sortir. Ah oui, enfin, un avis dessus peut-être. T'as pas encore joué, je crois, tu l'as. Mais si, j'ai joué, tout à fait. Je suis actuellement avec 5 badges. Voilà, j'ai ma belle petite équipe. J'avance. Okay. On avance très vite, du coup. Oui, peut-être. Bah, c'est bon. Hein. Mais je veux dire, j'entends par là que c'est très facile, non ? Alors, le jeu finalement n'est pas si simple. Par contre, il est assez court quand même. Il a l'air d'être assez court. J'ai pas fini. Bon, il est pas non plus, il est pas dur, hein, tu vois. Mais il est pas. Enfin, je sais pas. Je pensais que ça allait être encore plus simple que ça. Finalement, ça passe. On en reparlera. Mais bon, ça reste un Pokémon très moyen dans l'ensemble. Sympathique si on aime Pokémon. C'est toujours très agréable. Bon, par contre, c'est rien de révolutionnaire. Ça va pas casser trois pattes un canard. Mais il n'y a pas que Pokémon, hein, y a le nouveau Star Wars aussi, hein, si vous êtes plutôt sur PlayStation 4. Il y a aussi Death Stranding, si vous êtes plutôt sur PlayStation 4, là, qui vient de sortir. Il y a Luigi Mansion 3 qui vient de sortir aussi sur la Switch, que je vais sûrement me prendre aussi. Exact. Voilà, il y a vraiment beaucoup de jeux sympathiques. Il y en a d'autres qui vont venir. Hein, mais voilà, vraiment, là, c'est le moment cocon. C'est le moment que j'aime bien, voilà. On reste à la maison. Tu vois, moi, je me mets dans mon clic-clac que j'ai totalement ouvert. Du coup, c'est un pieu maintenant. Devant la télé, en train de jouer à mes petits jeux vidéo sous ma couette avec le chauffage. D'accord. Putain, mais qu'est-ce qu'on est posé, quoi. Enfin, ça fait quand même. Voilà, c'est beau le capitalisme pour ça. Moi, je suis très, très content. Du coup, c'était vraiment mon plaisir du moment. Voilà, c'est ce petit plaisir-là. Ou même, tu vois, je me mets à côté de ma copine qui joue à la PlayStation alors que je suis sur la Switch. Franchement, ça fait plaisir. Ben écoute, ça me donne envie de rebondir, hein, un petit peu comme quelqu'un qui est en train de se noyer au fond d'une piscine et qui tape dans le fond pour remonter à la surface. Tu m'as donné un petit appui, puisque moi, mon pas plaisir, c'est le froid. Et c'est vraiment cette saison. En fait, vraiment, saison automne, épisode 5, ça m'embête. C'est insupportable. On est le 22 novembre, il fait 2 degrés. On peut se demander quel temps il fera dans quelques mois, dans quelques semaines. Alors, ah, bah, il n'y a plus de saison, moi. D'accord, ça fait plaisir, les soirées couettes, etc. Mais super, on n'est pas là pour skier les miches. Moi, je préfère l'été quand on est en short et qu'on peut rester dehors. C'est insupportable de rester à la maison, je n'aime pas trop ça, et cela m'amène en fait à parler de sujets de conversation un peu bateau, parce que là on est un peu en train de parler de bateau finalement, enfin de parler de sujets de conversation de bateau, c'est-à-dire qu'on parle de la saison de l'automne, on parle du froid et du temps, de la chaleur qui fait dehors, Et en fait, ça m'a fait demander quelles sont, selon toi, les phrases bateau relativement chiantes hein, qui sont le plus dites par les gens en général. Est-ce que tu as une idée? Les phrases bateau, bah, il n'y a plus de saison, hein, clairement, il n'y a plus de saison, c'est le fameux, c'est le connu, hein. Tu peux le sortir n'importe quand. Je pensais que tu allais me répondre un truc, je pensais que tu allais me dire que tu savais pas du tout. Et je pensais que tu allais me dire, mais non, mais dis-moi donc. Et Ah moi bah dis-moi donc, donc, Gwendal. je fais Dis-moi, mes. est-ce que... Ah bah attends, on la refait. Ah bah Vas-y. non, dis donc, Gwendal, j'en ai aucune idée, mais dis-moi donc tes phrases bateau. Écoute, j'ai fait des petites recherches sur l'Internet et je suis né en 2000, hein, je dis l'Internet. Je suis donc tombé sur un forum de jeuxvideo.com, du forum 1825, 15-18, Ah. pardon, 15-18, 15-18. Oh. La personne qui s'appelle Croix de Malte nous a dit en 2011, j'aurais besoin de sujets de conversation bateau SVP, j'ai rendez-vous avec une fille et en cas de blanc, j'ai besoin de sujets pour combler le truc. Ah yes, c'est le bon moment gênant Ah, qu'on donc redoute tous. rien d'intéressant sur ce forum, hein. On sort des pirates des Caraïbes, on sort des poses des questions en fonction du décor d'où vous serez, bref, des choses absolument nulles. Mais ce qui m'amène à parler de jeuxvideo.com et du forum 15-18, forum qui est un petit peu controversé, controversif. On n'est pas obligé d'en parler 15 ans, mais est-ce que tu t'es déjà rendu, toi, par exemple, Antoine, sur ce forum, à titre personnel, à titre de curiosité, peut-être? Alors juste avant de te répondre, j'ai eu un petit moment l'impression qu'on était en train de faire le wiki random, tellement on passait de sujet en sujet, sans queue ni tête pour essayer d'arriver quelque part. Ça arrive, ça arrive. Ouais, mais 15 juin, non, je m'en bats les couilles. Je sais très bien que c'est populaire, enfin populaire, c'est très bien que c'est connu, etc., comme étant à peu près, je sais pas, la peste d'Internet français, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Les forums, j'étais il y a très très longtemps hein, sur les forums jeuxvideo.com et c'était pour rechercher des petites anecdotes et des petits trucs sympas sur les Pokémon. À l'époque, c'était Pokémon Saphir. Saphir, D'accord. c'est vrai, ça devait être en 2005, je crois que j'ai dû aller là-bas sur jeuxvideo.com. À l'époque, ça s'appelait même ETAJVC, un truc du genre. Enfin, c'était des trucs de Solus, etc. Mais Ouais. voilà, c'est vraiment mon seul petit moment forum, en tout cas, sur jeuxvideo.com. Et du coup, ouais, non, le 15-18, 18-25, mais enfin, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est un Voilà, peu c'est le l'enfer cancer, sur Terre. vraiment, oui, c'est une horreur. Ces mecs arrivent à se mobiliser de manière très importante pour pouvoir faire passer des choses, par exemple pour des concours, etc., organisés par Internet. Les mecs ont le pouvoir, en fait. Ils peuvent, vu qu'ils sont hyper nombreux, décider de dire, vas-y, bah là, il y a un concours qui est organisé. Récemment, notamment, tu sais que leur emblème, c'est Issou. Ouais. Et le Voilà. problème, c'est que moi, en fait, je dis ça, mais pas du tout dans le bon sens et pas du tout dans ce sens-là. En fait, à chaque fois que je fais quelque chose de dur, style je prends quelque chose qui est lourd, etc., ma petite onomatopée, il faut le savoir, c'est issou. Et tout D'accord. le monde en a trop marre, en fait. Je prends un truc et je fais issou, tu vois, enfin, en mode oïs, mais issou, tu vois, à l'envers. Voilà. Mais je sais très bien qu'il y a le issou, du coup, le mec qui est toujours en train de se marrer. Que je comprends en fait, hein, parce que bah, vive l'espagnol. Mais L'espagnol. voilà, du coup, voilà, je ne sais pas choisir les issous au bon moment. Je pense que je deviens vieux. Absolument. Je te propose d'enchaîner sur ton petit pas plaisir. Mais en fait, j'avais pas de pas plaisir, moi, je savais pas qu'il fallait faire les deux. Ah bah très bien, et bah écoute, super, comme ça on peut enchaîner tout de suite à la suite. On fait une petite pause dans ce podcast. Qu'est-ce qu'on en pense actuellement? Est-ce que vous êtes bien, vous, chez vous? N'hésitez pas à répondre, on rappelle, avec le hashtag plaisir légitime. Est-ce que toi, Antoine, tu te trouves bien? Bah on est posé. De toute façon, s'il est pas bien, on s'en bat les couilles. Et puis s'il est bien, bah c'est tant mieux. J'espère au moins que quand je réécouterai ça moi-même, parce que je pense être à peu près un des trois viewers de ce podcast, Ouais, pareil. bah je passerai un bon moment et peut-être que je rirai à des moments où je vais peut-être sûrement cringe à beaucoup de moments. Mais non, ça va, on est bien là, on est posé. Ouais, je suis assez d'accord, on manque peut-être d'une petite bière, mais après Petite tout. bière, petite clope. Ensuite, c'est vrai que la petite bière, ah. Peut-être commencer à être l'heure de l'apéro. On va pas dire à quelle heure on On record, hein, enregistre. mais. On ne sait pas. Mystère, ça peut être à 4h du matin Mystère. comme à 11h du mat. Super. Allez, on passe à la suite. À moins que tu veuilles faire une petite pause pub, on peut envoyer la pub. J'ai pas du tout de pub. Une Vas-y. recommandation. Non, j'ai pas de pub, mais parce que en fait, j'ai vraiment envie de passer à ce jeu que nous avons inventé qui s'appelle le Wiki Random. Ouais, bah ok, bah vas-y, hein, let's go. On va essayer. Putain, le Wiki Random. Est-ce que t'as un chrono déjà? J'ai un chrono. Ouais, j'ai un chrono. Allez, ben on est parti, bah du coup, c'est parti. Bienvenue à tous sur ce jeu qu'on appelle le Wiki Random. Antoine, il va falloir que tu nous réexpliques ce jeu. Ok. Cette fois, je vais vraiment vous expliquer correctement. Alors, l'idée, c'est que un des joueurs va choisir une page de Wikipédia random. On s'explique sur Wikipédia. Random, vous allez ça veut dire au hasard. Voilà, c'est, j'allais expliquer, bordel de merde. Vous allez sur Wikipédia et vous tapez article au hasard. On va vous sortir des articles. Bon, on va pas prendre n'importe quel article parce qu'il y a un moment, faut pas déconner, les villes en Ouzbékistan, je vais peut-être pas réussir à retomber dessus. Mais on prend un article qui est à peu près qu'on connaisse tous les deux et on va commencer avec cet article. Ensuite, par exemple, je vais vous dire Pokémon. Il va falloir que je parle des Pokémon et je vais continuer à parler sur un autre sujet. Je vais tergiverser sur un autre sujet pour arriver sur un deuxième sujet. Au bout d'une minute, il va falloir que j'arrête de parler. Gwendal devra reprendre la main et reparler de ce deuxième sujet. Par exemple, je suis passé de Pokémon à la maltraitance animale. Gwendal va devoir parler de la maltraitance animale pendant encore une minute jusqu'à tergiverser vers un nouveau sujet, style la prostitution. Deux sujets ou trois. Ou deux sujets, ce que tu arrives à parler pendant une minute. Et à la fin, au bout de 12 minutes, le dernier sujet dont il va falloir parler va être la deuxième page Wikipédia au hasard. Et du coup, si la première page était le Pokémon et que la dernière page était la crise en Ouzbékistan, il va falloir que, admettons que moi j'ai commencé avec Pokémon, Gwendal finisse dans sa dernière intervention par parler de la crise en Ouzbékistan. Dans ce cas-ci, nous aurons donc, cas-ci, je ne parle pas du fruit qu'on peut mettre dans tout le type de sirop, mais dans ce cas-ci... Ni ton ex Cassie, ouais, ouais. Dans ce cas-là, nous serons donc applaudis puisque nous avons réussi. Si nous ne réussissons pas, nous devrons recommencer. Non, je déconne. Nous... Allez, c'est 3 heures de podcast. Alors, si nous ne réussissons pas, eh ben, tant pis. Écoute, on aura loupé et puis ça ne fera pas de points et puis terminé. Ouais, ouais, parce que bien sûr, on va compter les points. Et du coup, qui commençait au fait? C'était moi qui commençais. C'est toi qui commences, en effet. Ouais, ouais. Ouais, et c'est toi qui devras finir. Alors, tu vas commencer. Je suis donc sur Wikipédia. Je clique sur un article au hasard. Ouais. Tu vas donc commencer par le Mont d'Or, qui est un fromage. Ah, le Mont d'Or. Un fromage au lait. Je sais que tu es vraiment friand de fromage. Donc, j'aime bien le fromage, mais là, je t'avoue. Le Mont d'Or est un fromage classique, hein, type. C'est une de pâte molle, un fromage à pâte blanc, un pâte molle, lait de vache, c'est classique. Voilà. Ok. Un fromage de Suisse. Ok, ok. Du coup, on va passer du Mont d'Or. Et toi, ta dernière intervention, ton dernier sujet, ça devra être Houston Street à Manhattan. What? Voilà. Houston Street, hein, je ne sais pas comment on prononce. Maintenant, c'est Houston. Ouais, c'est ah, Houston, ouais, Houston Street. Street, ouais. Qui est l'une des plus importantes rues de Manhattan, voilà, dans l'arrondissement de Manhattan, à New York. Voilà, faudra que tu finisses là-dessus. Oh, okay. Si tu veux, je peux te donner quelques petits détails du style. Je veux bien. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein, pas de choses intéressantes sur Manhattan. Non, pas c'est... vraiment. Bon, bah, je bah, c'est une des plus importantes. Okay. Tu te démerdes, Manhattan, Houston Street. Tu fais chier. Voilà. Eh ben écoute, on commence sans plus tarder. Alors attends, du coup, c'est toi qui contrôle le chrono. Tu vas contrôler ça. Ouais, ouais, t'as une minute. Tu vas l'envoyer, c'est toi qui me dis. À partir du Mont d'Or. Attention, Antoine, c'est parti. 3, 2, 1, une minute. Ah, le Mont d'Or, un bon petit fromage bien banal, mais pas si banal que ça. Ça fait toujours plaisir des petits moments fromage, surtout en ce moment, l'automne. Et là, vous voyez où je veux en venir, la raclette. Oui, la bonne raclette. Et la raclette, ça, c'est toujours le moment familial, le moment où on boit, où on mange jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Il fait chaud, t'as l'alcool qui monte, etc. Tu commences à avoir des gouttes de sueur parce que c'est ta 34e tranche de fromage avec ta pomme de terre dessus et ton petit morceau de saucisson là. Enfin, c'est vraiment des trucs incroyables. Et moi, voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir l'automne. C'est bon, par contre, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mangé une raclette. La dernière raclette que j'ai mangée, c'était l'année dernière. J'espère vraiment en refaire. Si vous voulez m'inviter chez vous faire des raclettes, ça me ferait extrêmement plaisir puisque bah, là, je travaille beaucoup trop. Je n'ai pas le temps de faire une bonne petite raclette et ça me rend triste. Et je n'ai pas non plus le temps de faire des soirées ni quoi que ce soit, et ça me rend extrêmement triste. Enfin, ça te dirait pas, Gwendal, qu'on te fasse une petite soirée raclette là dans le parc? Ok, à moi, une soirée raclette, et ben pourquoi pas, on peut parler de soirée de manière générale. C'est vrai que moi, j'adore ça, on va pas se le cacher, j'adore la fête, j'adore l'ambiance. J'adore les raclettes également, mais moi, je vais plutôt vous parler de la fête. Parler de la fête, on parle de tout type de choses. Je sais que j'aime beaucoup ça, notamment lorsque c'est assez constructif, lorsqu'on peut parler de plusieurs sujets et lorsqu'on peut pas uniquement s'enivrer, mais partager des choses avec ses congénères. C'est là pour moi la fête la plus importante, la plus délicate et la plus intéressante. Ça me fait notamment penser à des fêtes que l'on peut faire en boîte de nuit, mais là, pour écouter de la bonne musique, de la bonne musique qui nous tient à cœur. Je pense à des fêtes que l'on peut faire avec des groupes que l'on aime particulièrement. C'est assez vague ce que je dis là. Attention, quand je dis vague, je ne parle pas de la mer, je ne parle pas du sable, je ne parle pas de la côte basque notamment. Je parle de la côte bretonne, plutôt de la Manche, et de cette petite vaguelette qui arrive sur la côte bretonne. Ah, la côte bretonne. Bon, alors, la Manche, la Manche, la Manche, est-ce que c'est vraiment la meilleure des côtes bretonnes, j'ai envie de te dire? Parce que bon, hein, on connaît le nord, mais quand même, le meilleur endroit de la Bretagne, c'est le sud, c'est le Finistère, c'est là où il fait beau, c'est les belles nénettes, les belles plages. Et ça nous fait vraiment plaisir. Parce qu'à la plage, bon, par contre, on est d'accord, la plage, c'est de la grosse merde. Je déconne, c'est vrai qu'il y a des belles plages, par contre, on n'y va jamais à la plage. Est-ce qu'on peut en parler de la plage? Parce que la plage, vraiment, c'est l'enfer sur Terre. C'est un de mes top 3 des endroits où je veux moins aller au monde. Mais vraiment, je préfère aller chez le dentiste alors que j'ai 38 caries qu'à la plage. À la plage, il y a du sable. Ça se met dans ton putain de maillot de bain. Ça se met à peu près dans tous tes orifices. C'est l'enfer. Il fait extrêmement chaud. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de vaguelettes, justement. C'est salé, c'est dégueulasse l'eau. Bah non, mais tu vas à la piscine. Tu ne vas pas à la plage. Alors que la piscine, tu te mets bien dans ta petite piscine. T'es là, t'es tranquille. T'es dans ton petit parc, dans ton petit jardin, et t'as une putain de piscine. Bon, t'essaies d'avoir des potes quand même. Ouais, t'as une piscine, mais une piscine, je trouve pas trop l'intérêt. Mais d'accord, c'est vrai que la piscine, c'est assez sympa. Si. Moi, je préfère clairement la mer à la piscine, mais la piscine, ce qui est assez agréable, c'est notamment lorsqu'on a des plongeoires, qu'on peut plonger et faire des concours. Et les concours, moi, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Je parle de concours d'apnée, je te parle de concours de plongeon, je te parle de concours de nage, je parle de concours de plusieurs choses qu'on peut faire en piscine. Alors, je ne parle pas de piscine olympique, hein. Je parle pas de piscine, bien sûr, dans des grandes salles, je parle de piscine privée, je parle de piscine que l'on a chez nous. Que dans lesquels on peut inviter des copains. Et on revient au thème de la fête, puisque la fête avec la piscine, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je n'ai jamais fait, bien entendu. C'est une espèce de fantasme, on va pas se mentir, puisque je n'ai pas beaucoup d'amis et moi-même, je ne possède pas de piscine dans ma maison, dans ma baraque. Ma baraque, qui d'ailleurs est assez sympa, hein, on peut en parler très rapidement, des maisons qui sont très grandes, beaucoup mieux que les appartements dans des villes. Les appartements, c'est plus petit, impossibilité d'avoir une piscine dans un appartement, Antoine. Oui, bah les appartements, on connaît, hein, après tout, moi j'en ai fait quelques-uns, on va pas se mentir, on va pas non plus dire ni combien, ni où, ni avec qui, mais c'est vrai que j'ai vu quelques apparts. Par contre, c'est toujours cool, il y a généralement une bonne ambiance, c'est vraiment un petit peu ce côté étudiant, ce côté un petit peu YOLO. Mais le pire truc des apparts, c'est quand même l'emménagement. Quand tu passes à un putain d'emménagement avec un appartement de 4 étages, ma mène, sans ascenseur, t'as un petit peu les boules, parce que crois-moi que les putains d'escaliers qui sont super raides et super étroits, bon, voilà, t'as envie de dormir sur un futon pendant un an. T'as pas envie de monter ton lit, je peux te le dire. Du coup, et en plus, ce qui est sympa, c'est que toi, pour les autres déménagements et aménagements des potes, toi t'y vas, t'es un mec cool. Par contre, quand t'as des copains, des potes et des connards comme Gwendal, et tu les appelles et tu fais « Ouais, ça te dirait pas de venir m'aider pour emménager ?» Et que les mecs, ils viennent jamais, que t'es là, t'es tout seul avec ton père qui est déjà en train de mourir. T'es tout seul avec ton père à faire un emménagement. Bah désolé, Gwendal, il pouvait pas venir à ce moment-là. Alors tout ça est bien sûr du domaine privé. Même si je pense que toutes ces personnes qui écouteront ce podcast sont nos copains. Moi, je pense que quand tu fais un déménagement, tu t'organises un peu à l'avance et que tu préviens ton pote. Alors en effet, tu peux prévenir un maximum de copains. C'est les copains les plus proches qui sont notamment là. Moi, ce que je trouve intéressant dans un déménagement, c'est aussi de pouvoir se retrouver. Mais ce qui est assez agréable par-dessus tout ça, c'est une fois que tu as fini d'emménager, c'est de boire une petite bière qui a été mise au frais par le frigo que tu as branché quand tu es arrivé. Le premier truc que ça fait, c'est que tu as branché ton frigo. Et donc, tu peux boire ta petite bière sympa à la terrasse. Et là, tu te dis, on est bien, quoi. On a bien fait d'emménager, on a bien fait de venir aider le pote. Alors, bien sûr, c'est vrai que parfois, on est indisponible, on ne peut pas forcément venir l'aider, mais là n'est pas la question. Je pense que le plus important est la bière de qualité. On peut partir sur des bières belges. Moi, j'aime bien les bières belges. Je pense que ce qui ressent le plus pour un emménagement, un déménagement, ça va être la Henken classique, verte, qu'on décapsule et qu'on boit. Qu'on boit, c'est vrai. Mais est-ce que la Henken est si bonne que ça? J'irai pas jusqu'à là. Hein. Clairement, la Henken surcotée, on peut en parler. Parce que, bah non, à un moment, c'est pas du tout la moins chère. C'est pas du tout la meilleure. Elle est forte. Alors, voilà, niveau moins cher, on peut partir sur de la Königsbier. Là, bon, bah, c'est les bons petits plans d'étudiants pauvres. Y a pas de souci, ça a pas de goût et ça se boit. Ça se fait très bien. Hein. On en reparle. Franchement, des 20 bières pour 4 balles. C'est du tout gagnant. Sinon, si on veut vraiment de la qualité, voilà, petite bière, moi, qui me fait plaisir dans des moments comme ça, où tu as vraiment eu du mal, t'en as vraiment chié, c'est la petite croc. Non, pas du tout la croc, excuse-moi. Je partais sur plutôt une crique rouge, voilà, une petite crique. Bière que buvait ma mère, apparemment. Hein, ma mère ne buvait pas de bière, mais elle a bu de la crique. Et je pense que c'est un bon petit alcool, pas que pour les femmes. Faut arrêter, on est en 2019. J'ai le droit de profiter aussi de ma crique rouge, merde, bordel! Oui, c'est vrai. Alors moi, je trouve ça dégueulasse. Hein. Tu parles de la crique rouge, c'est assez intéressant. Je déteste ça. Dans le même style, on a également la mort subite. Ah, ça frappe 2 secondes. Bon ben voilà les gars. C'est les aléas du direct, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, je suis en train d'essayer de compter combien d'interventions on a. On est reparti, Antoine, tu m'entends? Ouais, quatrième intervention. La crique rouge, c'est vrai que c'est assez sympa, mais je n'aime pas vraiment particulièrement ça, le goût de la cerise. Et une personne à ma gauche me dit qu'elle adore vraiment ça. C'est assez marrant. Je trouve ça pas terrible, pas très très bon. Je préfère une bonne Heineken bien fraîche, tu vois ce que je veux dire, après un aménagement. Bref, je vous propose d'enchaîner et de passer sur d'autres types d'alcool, des choses qu'on peut plutôt aimer dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, dans d'autres envies. Parler d'alcool fort, pourquoi pas parler peut-être de tequila, cocktail, tequila sunrise, me fait penser au Lagon Bleu, un cocktail très agréable qu'on peut boire dans tout type de situation, Antoine. Oui, dans tout type de situation. Par contre, il ne faut pas le boire trop rapidement. Il hein. Faut vraiment rappeler que boire 4 verres de Blue Lagoon en moins d'une heure, ça va peut-être créer une petite chauffe. Petite chauffe qu'on pourrait ressentir après un méchant coup de soleil. Je pense qu'on peut vraiment dire, ouais, après les coups de soleil, vous allez dans votre douche et vous ressortez. Et ça, je pense que c'est vraiment la petite chauffe. Le truc qui ressemble le plus à une petite chauffe d'alcool, vraiment, où tu t'as les joues roses. Ou alors quand t'as été très très vexé et très très voilà enfin, la meuf que tu voulais avec qui tu voulais sortir, tu vois, tu passes à côté d'elle sur un petit sur du caillebotis, hein, je vous sais, c'est des trucs en bois là, sur un petit chemin en caillebotis à la faculté, et que tu tombes parce qu'il a plu, parce que c'est de la merde, et voilà, du coup ça c'est chiant. Ça c'est un peu la honte aussi. Oui, non, ça c'est peut-être déjà arrivé, hein. Peut-être, peut-être pas, on ne saura jamais. Mais vraiment, les hontes comme ça, avec les demoiselles, c'est vrai que ça. Voilà, les joues roses, les grosses roues. Ouais, c'est compliqué de terminer. En effet, tu n'as pas le temps devant toi. C'est moi qui gère le chrono. On est rendu à 9 minutes et tu parlais de joues roses et de honte. Et figure-toi que je vais vous raconter une petite anecdote de la honte. Ça me fait penser à une fois où je sortais de mon lycée avec des sacs. Il faisait un peu chaud, tu sais, tu sors un peu du sport et puis tu as ton sac de cours dans le dos, un autre sac de sport, deux manteaux sur le côté de ton bras, et puis tu essayes de doubler un groupe de personnes qui sont un peu au-dessus de toi, qui devaient être en terre, mais toi t'es en seconde, tu vois, tu le doubles par la droite, donc tu passes par le petit terre-plein, et puis tu trébuches, et puis tu fais un salto, et tu tombes devant tout le monde, et tout le lycée se fout de ta gueule. Ça m'est vraiment arrivé, je peux dire que j'avais vraiment les joues roses totalement à ce moment-là. C'était pas très très agréable, mais en parlant d'agréable, je peux parler plutôt d'un spa. J'adore, on revient au domaine de la piscine, mais moi j'adore personnellement les spas, une chose qui soit agréable. On peut lier le tout, on peut lier la bière, on peut lier le spa, on peut lier l'agréabilité de la chose. Les spas, oui, c'est agréable, mais par contre, qu'est-ce que c'est cher, bordel? Et qu'est-ce que le monde est cher? Putain, c'est vraiment de la merde. Enfin, tu te dis, ouais, vas-y, je vais faire un spa, je vais le faire tout seul, je vais le faire en couple, je vais le faire entre couilles. Eh ben non, tu peux pas, enfin, ça coûte la peau du cul, t'en as pour 40 balles les 20 minutes, t'as envie de pleurer, t'as fait deux petites piscines de merde. Non, franchement, la vie est bien trop chère. Et c'est ce que je me disais, et c'est pour ça qu'au final, eh ben, je préfère l'occasion. Je préfère l'occasion parce que les jeux vidéo d'occasion, faut pas en avoir honte. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important dans notre écosystème de jeux vidéo de racheter en occasion. Ça fait plaisir de faire plaisir aux autres, de leur revendre des bons jeux et en même temps de réussir à voilà. Là, je viens de le dire. Enfin, les gars, je viens quand même de m'acheter la quadralogie d'Uncharted pour 35 boules. C'est plutôt, ça vaut le coup. Là, je suis en train de finir le 4. C'est un vrai plaisir. Le mec, il voyage incroyable. C'est des voyages de ouf. Il va partout. Là, enfin, on a été en Afrique, on a été en Asie, on a été mais partout, on a été même au. On a été peut-être aux États-Unis, maybe. On a été peut-être aux États-Unis. On a été peut-être, moi je sais que j'ai pas joué à Uncharted, mais je sais que j'ai joué à Red Dead Redemption 2, et je sais que dans Red Dead Redemption 2, on est dans une espèce de ville qui ressemble un peu à New York en certains endroits. Bon, alors c'est des villes fictives bien entendu, mais ce sont, je ne me souviens plus exactement du nom de la ville. Pour moi, Red Dead Redemption 2, le principal défaut, c'est qu'on met beaucoup trop de temps à se balader avec son cheval. Si vous voulez jouer, je vous le conseille parce que c'est un jeu extraordinaire, mais on met 15 ans à se déplacer avec son cheval, c'est pas du tout rapide comme jeu. Quoi qu'il en soit, on arrive à un moment dans une ville qui ressemble à New York. New York, une ville connue pour ses grands buildings, une ville connue également pour Broadway, son endroit des comédies musicales, mais également connue pour ses rues à sens unique, et des rues à sens unique, sauf une seule rue, la rue de Houston Street, qui est la rue qui se trouve dans Manhattan sur l'île de New York. Et ça se termine là-dessus. Je vous embrasse, bonsoir. Et voilà, c'était le wiki random. Bon, alors, on verra si on dit félicitations à Gwendal ou pas. Je vous laisse juge. Ah, c'est compliqué. En vrai, c'est très simple. Je trouve que ce jeu est très très simple. Je propose que on va peut-être l'améliorer pour d'autres podcasts, d'autres émissions de ce plaisir légitime. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag plaisir légitime sur tous les réseaux Tout à sociaux. fait. Antoine, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé que ça peut être simple, c'est vrai qu'on peut se donner des petites complications ou alors des notes. Je pense que des notes ça peut être aussi sympa, vraiment sur comment est-ce qu'on a réussi à rebondir. Ensuite, peut-être un peu long, peut-être pas assez long, ça à voir sur les goûts des gens, etc. On en fera peut-être un petit peu des plus courts, des plus longs. On va retravailler dessus, je pense. Oui, je pense qu'on va retravailler dessus, mais je pense qu'on peut passer à notre dernière chronique, qui s'appelle Un film 5 règles. Je propose de passer au petit jingle. What do you think, Antoine? Jingle. Jingle. Un seul film. Vous l'avez entendu, on passe au jeu du un seul film, 5 règles. Antoine, quel est le film que nous avons choisi aujourd'hui? Et aujourd'hui, on a choisi, au cas où, si vous n'avez pas vu non plus sa suite encore au cinéma, bienvenue à Zombieland. Voilà. Je pense que c'est le moment. C'est l'automne, Halloween, et du coup, sa suite qui vient de sortir 10 ans après. Du coup, on voulait revenir sur ce film que personnellement, pour le coup, je dirais. En effet, culte et chef-d'œuvre, voilà. Là, je ne mâche pas mes mots. Bon, alors, culte et chef-d'œuvre, ouais. Culte, oui. Chef-d'œuvre, je ne sais pas. Pardon. Mais voilà, du coup, voilà, un film de 2009, avec des acteurs de ouf, hein, un des premiers films d'Emma Stone, Jesse Eisenberg, vraiment, y a que du beau monde. Très, très cool, moi j'adore. C'est un des seuls films où je ris vraiment devant ce film. L'ambiance est cool, les personnages sont cool, les répliques sont totalement cultes, c'est totalement débile et déjanté. J'espère que le 2 sera bien, hein, comme je vous dis, je ne l'ai pas vu. Est au cinéma actuellement. Actuellement au cinéma, c'est vrai, on n'a pas du tout, voilà, on n'est pas en OPSP avec le Gaumont, il faut le dire. Par contre, c'est vrai qu'il est au ciné. Oui, c'est un film qui raconte, c'est un film post-apo, un petit peu, qui est suite à une mutation d'un virus. Il y a la majorité des êtres humains qui ont été transformés en zombies, donc nos héros principaux qui se renomment par des noms de villes. On décide de survivre, bien sûr, et ont certaines techniques pour survivre à cette apocalypse, si je puis dire. Ils se rendent compte, ils se retrouvent, et on a là une petite histoire d'un groupe de survivants qui tente malgré tout de rester vivant. Ouais, puis ça C'est se prend ça? tellement pas au sérieux, c'est ça qui est cool. Ça va pas commencer à venir te faire chier avec le fait que, ah là là là, le virus, il a été à cause de ça. On s'en fout royalement. Là, c'est juste du fun, c'est juste quatre personnages qui sont paumés avec plein de zombies. Ça fait plaisir. Et c'est vrai, je suis absolument d'accord. Moi, c'est aussi un film que j'adore personnellement, un film qui est bien à regarder. On n'est pas dans une prise de tête globale, on est dans une détente, quelque chose de drôle et quelque chose de sympa. Alors bien sûr, maman, si tu m'entends, regarde ce film en version originale, puisque ça fait toujours plus plaisir qu'en version française. S'il Mais te plaît, maman. ouais, un film sympa. Est-ce qu'on peut lui attribuer 5 règles? Je pense que c'est assez facile de lui attribuer 5 règles. Pourquoi 5 règles, Antoine? Est-ce que tu peux nous rappeler? Alors, du coup, 5 petites règles. À chaque fois que une de ces règles va s'appliquer dans le film, vous allez devoir boire Une gorgée. Voilà, une gorgée de ce que vous voulez, hein, que ce soit de la bière, si vous voulez être vénère, vous prenez des shooters. Perrier, vous pouvez du boire Perrier, du Perrier. Il n'y a pas de souci, que ce soit alcoolisé ou pas. Vous prenez une gorgée à chaque fois qu'il y a une de ces règles. Pourquoi seulement 5 règles? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? 5 règles, généralement, ça donne voilà, un éventail assez vaste pour qu'il y ait toujours quelque chose à faire dans le film. Et pas plus parce que, bah, au final, vous n'allez pas vous en rappeler. Hein. Déjà, si vous rappelez des 5, c'est plutôt pas mal. Écrivez-les au cas où sur un petit post-it. Et du coup, on va vous dire ces règles. Première règle. Je le dis, tu l'as dit, on l'a dit, on fait comment? Oh bah écoute, tu peux lancer. Je voulais juste rappeler que ce film avait un peu fait un bide hein, en 2009, hein, en France en tout cas. Il a fait que 275 000 entrées. C'est quand même pas terrible, terrible. Pour un total de 100 millions d'entrées au total sur la planète Terre, wow. C'est pas mal. La France n'a vraiment pas de goût. C'est pas ouf. C'est dommage en effet. Mais c'est pas étonnant. Sur ce que des cons. Les règles, commence donc Antoine. Première règle du coup, première règle ça va être à chaque fois que quelqu'un dit un nom de ville. Et vous allez me dire, bah voilà, c'est ce que vous alliez me dire. Pas du tout calculé, hein, totalement improvisé, on adore ça. En fait c'est parce que tous les personnages, tout connement, vont s'appeler par des noms de ville. Et voilà, et du coup ça va faire pour tout le scénario à chaque fois qu'ils vont dire hey, machin, bah ça va être hey, Columbus, hey, Tallahassee, etc, etc. Voilà, vous allez bien vous taper 20 petites gorgées grâce à cette règle infâme, ça me fait plaisir. Règle suivante, elle est assez simple, c'est la règle qui va consister à boire une petite gorgée dès que une règle apparaît. Alors oui, on confond les règles, il n'y a pas de problème, on peut parler d'équerre, excellent. C'est très simple, dans ce film, le héros, Columbus, s'est fixé une certaine liste de règles qu'il doit appliquer pour pouvoir rester en vie. Et donc à chaque fois qu'il énonce une règle ou qu'il applique une règle dans la vie et donc dans le film, eh bien elle apparaît à l'écran. À chaque fois qu'une règle donc apparaît, n'hésitez pas à vous remplir le petit gosier. Troisième règle, Antoine. Vraiment, le truc des règles, c'est vraiment le meilleur truc du film. Troisième règle du coup, zombie qui meurt, hein, classico. Chaque fois qu'un zombie crève à l'écran, ça part en gorgée. Alors là, ceux qui ont vu le film vont me dire « Waouh, Antoine, au début ça passe, mais enfin, no spoil, à la fin ça passe moins bien. » Au début ça passe, mais à la fin, no spoil, mais ça passe moins bien. Ben voilà, c'est ce que vous allez dire. C'est ce que vous êtes dit aussi chez vous. Clairement, oui, ça passe moins bien à la fin, et c'est ça le but, c'est l'apothéose. Voilà, c'est les gorgées qui partent en trombe. Non, en trombe, qui n'est pas une ville, hein, tout à fait, hein, qui est votre ventre, tout à fait. Quatrième règle, c'est simple, c'est quand le personnage principal pense que c'est une mauvaise idée. Il va le dire tout haut, non? Comment ça se passe? Je ne me rappelle plus. Ouais, alors en gros, cette règle-là, c'est tout à fait. Il va énoncer, il va dire dans le moment, je pense que c'est une mauvaise idée, je pense que tu ne devrais pas faire ça, etc., etc. Quand il sent que ça part en couille, vous allez vraiment le sentir, hein, du style « Ah bon, tu penses vraiment qu'on doit aller par là, etc. ?» Ça part en gorgée. Voilà, ça marche très bien, il y en a quelques-unes qui passent, c'est généralement assez drôle. Généralement assez drôle, de toute manière ce film est globalement très très drôle. Et il y a bien sûr une dernière règle qui va consister en l'avalage d'un petit ingrédient ou même l'énonciation d'un petit quelque chose. Plutôt l'énonciation, parce que l'avalage, on ne spoile pas, mais c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est Antoine? Alors, c'est le Twinkie, Tallahassee, le personnage, on ne parle pas non plus sur du gros spoil, mais à chaque fois, pendant le film, sa quête à lui, c'est de trouver un putain de Twinkie. Les Twinkies, c'est des petites sortes de madeleines, de trucs à la con, tout jaune, dégueulasse, je crois que j'en ai déjà goûté, c'est vraiment pas terrible. Américain impossible, vraiment. Ouais, américain impossible. Et voilà, et il en cherche parce qu'il n'en retrouve plus. Et c'est un peu comme moi avec les burns, hein, après tout. Et voilà, du coup, à chaque fois qu'il va dire le putain de mot Twinkie, eh ben, ça part engorgé. Voilà, tout simplement. Tout simplement, on rappelle les règles. On a la première règle dès qu'il y a un nom de ville qui est dit. La deuxième règle dès qu'une règle énoncée par Columbus apparaît. La troisième dès qu'un zombie meurt. La quatrième dès que le personnage principal pense que c'est une mauvaise idée. Et la cinquième dès qu'on parle de Twinkie. Bon courage pour regarder ce petit film. Clairement, testé et approuvé. Le film est juste grandiose. Et avec ce genre de petites règles, c'est encore mieux, quoi. Franchement, c'est un pur plaisir. Pas sûr que vous vous rappeliez de tout le film, mais c'est toujours très très fun. Absolument, c'est toujours très très fun. Je crois qu'on arrive à la fin de ce petit plaisir légitime, Antoine. Bah ouais, un dernier mot, un petit mot de la fin, un remerciement. Vas-y, Je je t'en voulais prie. remercier notamment les personnes qui m'ont conçu, c'est-à-dire mon père et ma mère, ainsi que toute la famille étendue aux cousins des cousins des cousins. On ne sait jamais, peut-être que ça peut toucher beaucoup de personnes, et de là, aller même dans des continents autres que celui européen sur lequel nous vivons. Allez, on ne rentre pas dans la vie privée, mais quand même, on peut dire qu'on habite en Europe. Ah, je pense que les gens ont reconnu qu'on n'était pas québécois, là. Hein, Peut-être. Par contre, on n'a pas dit le nom du film Bienvenue à Zombieland en québécois, c'est juste Zombieland. Donc, pas de souci pour ça. Ne vous Ça inquiétez pas. va, ils ont pas fait un truc chelou. Genre, monde de zombies. Bienvenue dans le monde des zombies. Ouais, un remerciement global pour Dieu de m'avoir fait. Non, pardon, je voulais pas parler de religion. Non, merci, merci de nous avoir écoutés. Merci Antoine, tu es quelqu'un que j'aime très fort et c'est un plaisir de faire ça. On va faire quelques ajustements pour une prochaine émission et j'espère que d'ici là, on pourra peut-être avoir des invités. J'y crois dur comme fer. Ouais, bah dur comme fer, hein. On fait pas de blague là-dessus. Et bah merci à tous, hein. Merci à environ 4 personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout, jusqu'à ce moment très très chiant. C'est ambitieux quand même. Ouais, voilà. Bah il y aura toi, il y aura moi, il y aura possiblement des personnes assez chères à nos vies. Voilà. Peut-être, Ta mère et ton père, voilà. Du coup, merci à tous. Des gros bisous. Sûrement à la semaine prochaine, parce que je trouve que ça fait stylé de dire ça. Et ouais. voilà, amour et tendresse. Et Amour et tendresse. bonheur et courage. Amour et tendresse. Bisous. Bisous. Allez, salut. So you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a bit of runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names for 32 double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. But the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here.